Les belles rencontres. Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec Léger Robert, sculpteur de Dodwell. Puis quand tu fais aussi des meubles, de la restauration de meubles antiques, là c'est tout à fait autre chose, c'est beaucoup plus technique. C'est complètement différent. Ça, c'est des plans. Je fais un meuble, je vais me faire un plan. Ouais. Tu fais aussi des meubles nouveaux? Des meubles nouveaux, non. Ah. Je fais surtout de la restauration de meubles antiques. Donc, des meubles, oui, je fais des meubles pour moi ma parenté, ou un peu comme ça. Mais pour dire faire des meubles en série ou vendre des meubles, non. J'ai assez de travail. Le monde, aujourd'hui, on réalisait que les vieux meubles avaient beaucoup de valeur. Donc, ils viennent les faire réparer pour qu'ils deviennent utilisables. Est-ce que c'est faux que tu connaisses l'histoire du meuble pour pouvoir respecter toutes les composantes, si tu dois les refaire? L'histoire du meuble, c'est les personnes qui vont me les apporter, qui vont me dire ça appartenait à mon arrière-grand-père. Comme j'ai fait beaucoup des vieilles chaises, des vieilles berceuses, que des personnes âgées avaient faites. Ah oui. Il y a... dans les années 1800 ou des choses comme ça. Puis, il y a des pièces qui manquent, il faut les reconstruire puis refaire. Puis, ça devient quoi de très bien. Ou, souvent, comme exemple, une madame de Whedon m'appelle pour faire réparer un meuble. C'est un chiffonnier avec un miroir, un petit miroir au-dessus. Mais il était peint. Il était peint. Ouais. Il était un bout de temps, dans les années 40, 50. Je sais pas si la peinture venait de venir au monde, mais tout le monde peinturait. Même si c'était du beau bois, des beaux grains, on peinturait, c'était trop foncé, il fallait que ça soit pâle. Puis ce meuble-là, il devait avoir au moins 5 à 6 couches de peinture dessus. Ah, mon Dieu! Puis ça, quand j'ai fini, c'était un chiffonnier en... chêne maillée. En chêne maillée? Oui. Ah, qui est très, très beau, avec des mirages des mailles, justement, qu'il y a dans le bois. Ah, quand j'ai retourné le meuble, la madame a dit, « T'es sûr que c'est mon meuble? » Oui, madame. C'est du chêne maillé, c'est très... C'est rare, elle ne revenait pas comment c'était beau. Oui, ben c'est ça, chêne maillé, c'est plus rare, mais je n'avais jamais entendu ce mot-là. Ça veut dire que comme des petits... Chêne maillé, d'autres vont dire chêne quartier. Okay. C'est le même chêne, mais c'est la différence, c'est la façon de le faire scier. Ah oui! Au lieu d'être scié horizontal tout le temps, c'est scié comme une pointe de tarte. Ah, OK. Toujours en tournant à l'entour de la bûche. C'est ça qui fait le maillé dans le chêne. OK. T'as jamais pensé donner de cours léger parce que tu connais vraiment, tu es comme une encyclopédie, tu connais beaucoup de choses. J'ai donné des cours quelques années. J'avais 5 ou 6 personnes qui venaient à mes cours. J'ai bien aimé ça aussi, mais ça prend un... Dans mon atelier, c'est trop petit. Oui. Ça prend un local. Faut louer un local. Ensuite, c'est des choses qu'il faut faire le soir. Donc... Il y a de la machinerie aussi. La machinerie. Il faut fournir des couteaux. Quelqu'un qui débute puis qui a rien. Les panneaux, les tables pour sculpter. C'était demandant pas mal, puis avec mon travail que j'avais, comme de raison que j'avais pour vie, pour faire travailler tous les jours, c'était un peu trop demandant. Donc, j'ai fait ça, je pense, 3 ans. J'ai arrêté après. Mais tu l'as essayé, mais en tout cas, on apprend ça. Plein de choses. Oh, oui. Parce que je sais aussi que tu fais des cadres autour des. Oui, je fais des cadres pour des peintres. Pour des peintres, régulièrement. Oui. Oui, depuis les peintres, j'ai fait pour un peintre Madame Touchette de Beauvoir. Oui, avec Arsenault. Elle est avec Arsenault. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai fait des cartes pour Arsenault aussi. Souvent, je vais dans des galeries, puis je reconnais mes cartes. Ah oui! Ouais. C'est ça. Je sais qu'eux autres, ça fait plus que 15 ans que tu fais des cartes pour eux autres. Oui. Fait que c'est vraiment merveilleux. Puis je voudrais aussi que tu... je voudrais pas oublier... pour parler d'une croix que tu as faite pour la cathédrale. Conter l'histoire et comment c'est arrivé. Oui, c'est... c'est très récent, ça. Oui, ça, ça fait 3 ans. Mm-hmm. Et puis, c'est un projet que pour la cathédrale qui avait été demandé sur Internet. Et la cathédrale de Sherbrooke. Oui, la cathédrale de Sherbrooke. Il demandait un projet, de faire un projet pour produire une croix de procession pour la cathédrale. OK, oui. Mais une croix qui n'était pas directement comme tous les anciens modèles. Il voulait avoir quelque chose de plus, novateur, plus moderne, plus innovateur. Puis oui, pas traditionnel. Et voilà. Oui. Donc, je vais prendre un café avec mon beau-frère. Mon beau-frère, mm-hmm. il me dit, ah oui, il dit, on va faire ça. Il dit, puis il me fait juste un esquisse avec un crayon sur un papier. Je m'en vais dans mon atelier, puis je reviens avec quelques morceaux, j'y montre ça, ben oui, ça pourra faire. Quand j'ai commencé à faire ça, je faisais ça avec du bois plié. Du bois plié. Au début, j'ai essayé de le plier à sec, ça a tout cassé. J'ai fait tremper mes pièces de bois, j'ai plié... mon beau-frère est venu me voir, il venait prendre des photos à tout bout de champ. Ah oui. Oui, c'est ça. En tout cas, on a fait un plan sur un papier, on a envoyé pour le projet. Et puis, j'ai dit à mon beau-frère, il dit, t'es-tu sûr d'être capable de faire ça? J'ai dit, si j'ai le temps, tout se réalise. Oui. Ce que tu imagines dans ta tête, tu peux le réaliser. Donc, c'est là, j'ai commencé. À un moment, il est venu me voir une fois, puis il y a des pièces qui avaient cassé. Là, il dit non, il dit pour moi, ça ne marchera pas. Hein. J'ai dit, on va prendre le temps, puis ça va marcher, on va trouver des façons. Mm-hmm. Puis c'est ça, j'ai réalisé la croix. C'est une croix style moderne, pas mal, avec du bois plié, mais avec 5 essences de bois différents collés ensemble qui représentent les 5 continents, si vous voulez. Avec les couleurs différentes qui représentent les couleurs de peau humaine. Donc, c'était... Que c'est beau. C'est plein de symboles. Elle est là, à la cathédrale, si vous voulez. Quand ils font une messe, ils entrent dans la cathédrale avec cette croix-là. OK, OK. Alors, c'est seulement pour les processions. Pour les processions. OK. Ah, mais c'est très beau. Ouais. Les 5 essences. 5 essences. Pour les 5 continents. Oui. Et 5 couleurs pour les 5 couleurs de peau de la planète. Oui. Donc, ça a marché. Tout ce que tu as pensé pour le concevoir, c'est une belle. Souvent, ben c'est ça. Je te disais tout à l'heure, la nuit. Oui. Des fois, on se réveille. Puis, on a le flash, comme là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça que je vais faire pour être sûr que ça aille, là, que ça se brise pas. Mm-hmm. C'est spécial. Mm-hmm. J'en ai un modèle diminué pour ici, à l'église Saint-Clément, à Bishopton, qui est là, sur l'autel. Ah oui. OK. Ben, on ira voir ça tantôt. Oui. Oui. Ah, ben, c'est super. Puis donc, ça a été votre projet, comment qui a été choisi. Oui. C'est bien. À suivre.